On va commencer, Inch'Allah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc le cours numéro 11 aujourd'hui dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan. Le livre s'appelle Usulul Iman, Sharh Usulul Iman, c'est-à-dire l'explication des fondements de la foi. Et les fondements de la foi, comme j'expliquais au dernier cours, c'est comme les piliers de la foi. Hein? C'est-à-dire les piliers de la foi, les six piliers de la foi. L'iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyom l'akhir, wa l'iman bil qadri khayrihi, wa sharrihi. C'est-à-dire la foi en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, et la foi en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Maintenant, on est toujours dans le premier chapitre qui est la foi en Allah, le premier pilier, le premier fondement, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des choses qui sont reliées à la foi en son unicité. Le sujet dont on va parler maintenant, c'est le titre, c'est le suivant. Hurmatu ta'alli ala Allah. Hurmatu ta'alli ala Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, at-ta'alli? C'est le fait de faire des serments. Et yani, on sait qu'est-ce que signifie le fait de jurer par Allah. Mais al-qasam, on dit en arabe al-qasam. Hein? Quand tu dis par exemple, uqsimu billahi, je jure par Allah. Sauf qu'il y a aussi une autre formule. C'est, on dit, yani, an-tuqsim al-Allah. Tuqsim ala Allah. Yani, et ala, quand tu utilises ala Allah avec al-qasam, ça a un autre sens. C'est comme si tu jures que Allah va faire quelque chose. Tu jures que Allah va faire ou ne pas faire quelque chose. C'est pas la même chose que de jurer par Allah. C'est un peu différent. Mais on va voir qu'est-ce que ça signifie, Inch'Allah. Donc ici, par exemple, l'imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un hadith. C'est un hadith rapporté par l'imam muslim selon Jundub, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Qala rajulun, wallah, la yaghfir allahu li fulan. Faqala allahu azza wa jal, man dhal ladhi yata'alla alayya, an la aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu, wa ahbattu amalak. Donc ici, c'est un hadith qui est rapporté par un muslim selon Jundub. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait un homme qui a dit à une autre personne, par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Par Allah, Allah ne va pas pardonner à un tel. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, qui ose jurer au-dessus de moi? Hein, que moi je vais pas pardonner à un tel. Il dit, je lui ai pardonné et j'ai rendu tes œuvres vaines. Il y a un contexte à ce hadith. Et c'est une histoire entre deux hommes. Il y en a un qui faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration et l'autre qui faisait constamment des péchés. Celui qui faisait beaucoup d'adoration, il disait à celui qui faisait des péchés, arrête de faire des péchés, arrête de faire des péchés. Et l'autre, il lui dit, hein, laisse-moi entre moi et mon Seigneur. Hein? Est-ce que c'est toi qui es mon surveillant, toi qui es là pour me surveiller? Alors, un jour, celui qui faisait beaucoup d'adoration, il est passé encore une fois à côté de celui, son ami qui faisait beaucoup son frère qui faisait beaucoup de péchés. Il lui dit, arrête de faire des péchés. Alors, l'autre, il lui a dit, laisse-moi entre moi et mon Seigneur. Et l'autre, il lui a répondu, il a dit, par Allah, Allah va jamais te pardonner. Alors, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ressuscité les deux. Et il a dit à celui qui faisait beaucoup d'adoration, qui es-tu qui te prends-tu pour jurer sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel? Hein? Que je ne vais pas lui pardonner ses péchés. Et il a dit, rentre en enfer. Et il a dit à celui qui faisait des péchés, rentre au paradis par ma miséricorde. Donc, on voit que ici, Yannick, comme on va l'expliquer, les détails, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan va mentionner sur cette histoire-là, c'est sur ce sujet-là. C'est extrêmement important. Le Cheikh dit « Wa hadha al-hadith bayanu mada sa'ati maghfiratillahi azza wa jal wa annahu yanbaghi an la yaqnut ahadun min rahmatillah wa la yuqannit ahadun ahadan min rahmatillahi wa afwihi wa innama yanbaghi al-hathu ala at-tawbati wal-istighfari ويدخل في ذلك الكافر حيث ينبغي حثه على التوبة وعلى الدخول في الإسلام وترغيبه في دخول الجنة والنجاة من النار ومن باب أولى عدم تقنيط المؤمن من رحمة الله عز وجل إذا روي على معصية وإنما الواجب حثه على التوبة والاستغفار وتخويفه من العذاب وأما الجزم بأنه لن يغفر له والحلف على ذلك فهذا من باب الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما أن فيه تقنيطا من رحمة الله جل وعلا مع أن هذا القائل لهذه العبارة كما ورد في الحديث إنما قالها من باب الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه رأى أخاه على المعصية فنهاه ولكنه أبى أن يترك المعصية فعند ذلك غضب عليه وقال والله لا يغفر الله لفلان ولكن الله قال من ذا الذي يتألى علي وهذا استنكار منه جل وعلا لما قاله. Donc ici le Cheikh il explique que dans ce hadith on voit la grandeur du pardon d'Allah et qu'il ne faut pas que personne perde l'espoir en la miséricorde d'Allah, et il ne faut pas non plus que quelqu'un fasse perdre à quelqu'un d'autre la miséricorde, l'espoir en la miséricorde d'Allah et en son pardon. Donc des fois, il y a des gens en eux-mêmes, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, ils désespèrent de sa miséricorde. Ça, c'est pas correct. Mais il y en a d'autres, c'est pire encore, ils font perdre aux autres l'espoir en la miséricorde d'Allah. Avec leurs paroles. Donc ça, c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement grave. Et donc, il dit au contraire, ce qu'il faut faire, c'est inciter les gens à la repentance. Il faut inciter les gens à demander pardon. Et même le kafir, tu ne dois pas le faire désespérer de la miséricorde d'Allah dans le sens que tu dois l'inciter à se repentir de sa mécréance et à entrer dans l'islam et lui faire voir le bien, le faire désirer de vouloir rentrer au paradis et de lui faire peur de l'enfer. Donc ça, c'est extrêmement important de l'appeler à se sauver de l'enfer. Donc si c'est le cas pour le mécréant, que tu dois pas le faire tomber dans le désespoir et que tu dois l'inciter à la repentance, que dire du croyant qui fait des péchés, tu dois jamais lui fait perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah si tu le vois faire un péché. C'est comme il y a des gens, par exemple, s'ils voient un musulman en train de commettre un péché, c'est comme si pour eux, c'est fini pour cette personne-là, ça y est. Ah, lui, c'est comme s'il est devenu presque à la limite kafir, parce qu'il fait un péché. Et quand ils le voient comme ça sur ce péché-là, leur premier réflexe, c'est pas d'aller lui parler pour lui faire le rappel, ou bien pour lui donner la nasiha, pour l'appeler au pardon et à la repentance. Non, c'est juste lui dire, oh, regarde qu'est-ce que tu fais, ça c'est grave, tu vas aller en enfer, ça y est, c'est fini là, t'es perdu. Alors que ça, c'est pas la bonne approche, c'est pas la bonne approche. Il faut appeler ces gens-là à se repentir et à revenir au bon chemin et leur faire le bon rappel. Et donc, il dit ici le Cheikh que tu dois obligatoirement inciter ces gens-là à la repentance, à demander pardon et à leur rappeler de craindre le châtiment d'Allah. Mais si tu vas commencer à mentionner comme si tu dis « Ah, ça y est, toi tu vas jamais être pardonné. tu étais déterminé ou tu étais certain que tu penses que c'est une certitude que la personne, ça y est, elle va être châtiée en enfer ou bien qu'elle va pas être pardonnée. Comme certains le font malheureusement, certains ignorants, certains jeunes, j'en ai vu même certains, c'est comme s'ils pensent que c'est eux qui ont la porte, la clé pour le paradis ou l'enfer dans leurs mains. C'est eux qui décident qui rentre, qui rentre pas. Hein? Et ils parlent aux gens, ils disent, ah ça y est, toi là, hein, tu vas être en enfer, ça y est, tu es perdu, ou des choses comme ça. Et ça, c'est complètement inacceptable, hein, de parler de cette manière-là. Et donc, il dit, le cheikh, que il faut surtout de jurer de ça. Il y en a qui vont même jurer de ça. Ah oui, ça c'est un hakim, ça. Quand tu vois c'est épais, ça veut dire c'est un hakim. Marakallahu fik. Donc ici le cheikh il dit, si tu vas voir quelqu'un, tu vois qu'il fait des péchés, tu dis, ah par Allah, je te jure que Allah il va jamais te pardonner. Tu jures que Allah va jamais le pardonner. Comment tu peux jurer ça, hein? Subhanallah. C'est comme si tu te mettais à la place d'Allah pour décider qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui va pas arriver. C'est pas toi qui décides de ça. Si au moins tu dis, si au moins tu jurais de que Allah il va lui faire miséricorde ou bien par Allah Allah il va te pardonner. Non. Toi tu veux décider de ça, de son châtiment. Et yani, c'est grave. Et il dit ça c'est dans le but de yani, de ça c'est comme si quelqu'un il agit comme ça, c'est comme s'il manque de respect envers Allah. Hein? Parce que c'est comme s'il essaie de se placer ou de s'élever pour jurer sur des choses que ce n'est pas lui qui contrôle. Et de faire perdre aux gens l'espoir en la miséricorde d'Allah à cause de cette personne. À cause de ça, peut-être que cette personne va perdre l'espoir et il va tomber dans encore plus profondément dans son péché à cause de lui. Hein? Plutôt que de le rappeler avec des bonnes paroles à revenir vers Allah, à se repentir à Allah. Et le cheikh, il dit que la personne qui a dit ça dans le hadith, dans le hadith, on voit que quand il dit ça, c'est parce qu'il a la jalousie pour la religion. Il a le sens de l'honneur pour la religion. Dans le sens qu'il n'aime pas que les gens fassent des péchés. Quand il voit quelqu'un faire le péché, ça le met en colère. Hein? Donc lui, il fait ça pour ordonner le bien et pour interdire le mal. À la base, son intention, elle n'est pas nécessairement mauvaise quand il dit ça. Sauf que, hein, quand il a interdit à son frère de faire le péché et que l'autre, il a continué à le faire, hein, il ne voulait pas cesser de faire le péché, eh bien, il s'est fâché contre lui, puis il a dit, par Allah, je jure que Allah ne va jamais te pardonner. Et ça, c'est ça le problème. Sa langue est allée trop loin. Hein? Et des fois, c'est ça qui est important à mentionner aussi. Ça a été mentionné par certains parmi les ulama. Et même, il y a un hadith à ce sujet-là. Que quelqu'un, quand il ordonne le bien et qu'il interdit le mal, il le dit la première fois, il va dire peut-être pour Allah. Mais après, si la personne, elle continue à faire le péché, et l'autre, elle insiste à lui faire le rappel, mais peut-être qu'à un moment donné, la personne, elle ne le fait plus pour Allah. Ça devient un genre de la personne, elle veut défendre son ego par la suite. C'est comme si elle essaie d'avoir raison ou de montrer qu'elle a raison. Et à cause de ça, hein, et bien, la personne, elle ne le fait plus pour Allah par la suite. Alors, ça devient quelque chose de personnel. Et donc, après, yani, ça amène la personne à dépasser les limites. À dépasser la limite dans les paroles qu'elle va mentionner, les choses qu'elle va dire. Et ça peut se retourner contre elle. Et on le voit dans l'exemple de ce hadith-là. Lorsque la personne a dit, par Allah, Allah ne va jamais te pardonner. Et ça, c'est extrêmement grave de dire ça. Et Allah lui a dit, hein, c'est qui celui-là qui se permet de jurer sur moi que je ne vais pas lui pardonner? Donc ça, c'est pour réprimander et dénoncer la parole que cette personne-là a dit. Et il dit, « Wa qawluhu yata'alla, ya'ni yahlif alayya, yahlifu alayya an la aghfira li fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. » لما أساء الأدب مع الله وقنت من رحمة الله من رحمته جل وعلا. وقد قال جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما قنط من رحمة الله فإنه سبحانه أحبط عمله. Donc ici, le cheikh il explique yata'alla, ça veut dire il jure. Qui jure sur moi que je ne vais pas pardonner à quelqu'un ou à un tel ou à un tel. Il dit, je lui ai pardonné à lui ses péchés et à toi j'ai annulé toutes tes œuvres. Ça veut dire c'est fini pour toi, t'es en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de respect. Il n'a pas bien agi, il n'a pas eu les bonnes manières avec Allah. Si tu dois avoir des bonnes manières envers tes parents, si tu dois avoir des bonnes manières envers les personnes que tu respectes, des gens qui sont plus âgés que toi dans cette dunya, si tu dois avoir des respects envers les ulama, envers les dirigeants, envers les gens importants, que dire d'avoir du respect envers Allah encore plus? Ta façon, comment tu dois agir de façon respectueuse envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ta façon de parler à son sujet. Donc si tu fais perdre aux gens l'espoir en la miséricorde d'Allah et que tu jures par Allah de ça, donc ça là c'est l'extrême dans la limite du manque de respect. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala déjà il dit dans le Coran, le verset 87 dans sourate Yusuf, innahu la yay'asu min rawhillahi illa alqawmul kafirun. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui perd l'espoir ou qui désespère en la miséricorde d'Allah, excepté les peuples mécréants. Donc ceux qui perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, c'est les gens mécréants. Toi, tu amènes quelqu'un à la mécréance parce que tu leur fais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Quand tu jures que Allah va pas leur pardonner, ça veut dire quoi? Tu les as condamnés, ces gens-là. Tu les as condamnés à être dans le désespoir vis-à-vis d'Allah et de sa miséricorde. Ça, c'est criminel d'agir de cette façon-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à cette personne, qui a fait perdre à l'autre l'espoir en sa miséricorde, en la miséricorde d'Allah, il lui a dit, ton œuvre est annulée. T'as dit, tout ce que tu as fait, ça n'a plus de valeur. Il dit, فهذا الحديث فيه مسائل. فيه أولا بيان مدى سعة رحمة الله عز وجل وأنه ينبغي للعاصي أن لا يقنط منها ولكن ليس معناه أن يقيم على معصيته فإذا كان يريد الرحمة فإنه يتوب إلى الله عز وجل ولا ينبغي له أن يرجو رحمة الله وهو مقيم على المعاصي فهذا أمر لا يجوز وهو في الحالة قد وفي هذه الحالة قد أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit dans ce hadith il y a plusieurs points importants. Premièrement, on voit l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne faut pas que le pécheur perde l'espoir en cette miséricorde. Mais ça ne veut pas dire en même temps que le pécheur doit continuer à persister à faire ce péché-là. S'il veut la miséricorde, il va falloir qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce péché-là. Peut-être que quelqu'un, il dit, subhanallah, moi, j'ai envie d'arrêter de faire ce péché-là et j'ai envie de me repentir, mais peut-être que si je me repens, je ne sais pas si après je vais retomber encore une fois dans ce péché-là plus tard. À cause de ça, il retarde la repentance. Il dit, je vais attendre jusqu'à ce que je sois assez fort pour arrêter complètement. Ou bien, jusqu'à temps que je sois assez fort pour que je sache que je ne vais plus le refaire plus tard. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est incorrect de penser comme ça. Tu ne dois pas t'abstenir de te repentir par crainte de retomber dans le péché plus tard. Parce que tu ne sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner comme guidance et comme fermeté juste par le fait de t'être repenti. Peut-être que justement, en ayant fait ce premier pas, de te repentir sincèrement de ce péché-là, à ce moment-là, il va mettre dans ton cœur la fermeté et la sincérité pour être capable de continuer à rester sur cette repentance et à ne plus retomber dedans par la suite. Mais si tu persistes à le faire en prétextant que tu dis, je sais pas, peut-être que je vais retomber dedans après, donc j'ai peur de me repentir tout de suite, peut-être que je vais pas être capable de continuer. Ça, c'est une fausse excuse. Ça vient du shaitan. Ça, c'est le shaitan qui veut en réalité que tu ne te repentes pas de ton péché pour que tu meures sur le péché et que tu sois privé de cette miséricorde. Alors, fais les premiers pas et Allah subhanahu wa ta'ala va faire le reste. Celui qui se dirige vers Allah, il va l'aider. Hein? Et comme dans le hadith, si tu marches vers Allah, Allah va courir vers toi. Hein? Donc, fais les démarches, fais les efforts et marche vers la repentance d'Allah. Après, le cheikh, il dit, et il ne faut pas donc que tu continues à espérer la miséricorde d'Allah alors que tu persistes à faire ce péché-là, t'es établi sur ce péché-là, et tu dis, j'espère que Allah va être miséricordieux envers moi. Ça, c'est une contradiction d'agir de cette façon-là. Si tu veux espérer la miséricorde d'Allah, fais les causes, c'est-à-dire, repens-toi, fais la repentance, demande à Allah pardon, aie le remords dans ton cœur, et cesse de faire ce péché. Réalise à quel point ce péché-là est laid. Réalise à quel point tu désobéis à Allah et comment le fait de désobéir à Allah représente une sorte d'ingratitude envers Allah. Hein? Pour toutes les grâces qu'il te donne et toi, malgré ça, tu continues à lui désobéir. N'est-ce pas que ça, c'est une forme d'ingratitude envers lui? Bien sûr que c'est une forme d'ingratitude envers lui, parce qu'il mérite ton obéissance absolue. Donc, tu dois te rappeler de ça, et ça devrait te pousser à aller vers la repentance pour les péchés. Et Allah, il aime la repentance. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent constamment. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Il n'a pas dit Inna Allah yuhibbu at-ta'ibin. Il a dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Et vous savez la différence entre ta'ibin et tawwabin? At-ta'ib, c'est celui qui se repent. At-tawwab, c'est celui qui se repent tout le temps. Ça dit quand il fait un péché, il se repent. Il fait un péché, il se repent. Il fait un péché, il se repent. À chaque fois, il se repent. Et Allah aime celui qui est comme ça. Qui se repent tout le temps. Constamment. Ça veut dire qu'il va jamais persister à faire un péché. Il fait un péché. S'il est tombé dans le péché parce qu'il a eu une faiblesse, il demande pardon à Allah et il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va lui pardonner encore. Même si c'est un million de fois, Allah va lui pardonner encore parce qu'il aime ceux qui se repentent et il aime pardonner Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce qu'on ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Seulement les mécréants perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois toujours te repentir pour faire les causes, pour pouvoir profiter et obtenir la miséricorde d'Allah. Non. Ça, si tu perds l'espoir en la miséricorde d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, et c'est normal que le croyant, il ne perd pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Mais dans certains cas, ça peut être un kufr majeur, dans certains cas, ça peut être un kufr mineur. Tu vois, ça dépend de quelle catégorie tu fais partie. Donc, c'est sûr que les croyants, ils ne perdent pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et les mécréants, eux, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah. Hein? Et même parfois, ils ont peut-être l'espoir en la miséricorde d'Allah, mais c'est une fausse espoir parce qu'ils n'ont pas la foi. D'accord? Donc, dans tous les cas, les mu'minoun, les croyants, ils ne perdent pas l'espoir en la miséricorde d'Allah de façon générale. En ce qui concerne les détails, Allahu alam, si c'est une forme de mécréance majeure ou mineure, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Maintenant, le cheikh, il dit que si quelqu'un, il dit, je garde l'espoir à la miséricorde d'Allah, mais il continue à faire le péché tout le temps, sans jamais s'arrêter et sans jamais se repentir. Il continue à dire, j'ai l'espoir à la miséricorde d'Allah. Ça, il dit, ça fait partie des ruses. Hein? Il s'est senti en sécurité contre le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est une forme d'égarement. Al-amnu min makrillah. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques des mécréants. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un, par exemple, il persiste à faire un péché et qu'il espère en la miséricorde d'Allah qu'il est mécréant? Non. Hein? Comme on l'a expliqué pour la le fait d'avoir le perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, la même chose pour se sentir en sécurité contre le stratagème d'Allah ou contre les complots ou les ruses d'Allah. Pour ceux qui agissent de cette façon, parce que c'est une forme de ruse qu'ils veulent essayer de faire avec Allah. Ils disent, je vais continuer à faire le péché, et puis je vais continuer à espérer en la miséricorde d'Allah. Hein? Et peut-être qu'un jour je vais me repentir, ou quand, avant de mourir, je vais me repentir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir demain, peut-être tu vas mourir après-demain, peut-être tu vas mourir aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir à l'avance quand est-ce que tu vas mourir. Donc comment tu peux penser que tu vas être capable de te repentir avant ta mort? Peut-être que tu vas mourir pendant ton sommeil. Si tu dors puis tu meurs, comment tu vas faire pour te repentir pendant que tu dors? Hein? Donc ça veut dire que tu ne peux pas savoir à l'avance. Donc tu ne dois pas te sentir à l'abri des stratagèmes d'Allah, ça veut dire, essaie pas de ruser avec Allah. Parce que si tu essaies de ruser contre Allah, Allah va ruser contre toi. Et tu te sens à l'abri de ça. Donc ça veut dire que tu risques d'être justement pris dans la situation où tu meurs sur une mauvaise fin. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il dit, deuxièmement, ثانيًا أنه لا يجوز لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله مهما رأى عليهم من المعاصي والمخالفات ولكن يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالتوبة ويحببهم بها ويرغبهم في ثواب الله وفضله وأن لا يحلف أنه يغفر لهم أنه لن يغفر لهم. Donc ici le cheikh il dit, deuxièmement, tu ne dois jamais faire perdre à quelqu'un parmi les gens l'espoir en la miséricorde d'Allah, peu importe ce sur quoi tu les vois comme péché et comme contradiction avec la religion. Des gens parmi les pires criminels au monde que tu peux même pas imaginer, les crimes qu'ils ont faits, des meurtres, des trafiquants, des toutes sortes de choses qu'ils ont pu faire comme crimes, Allah les a guidés. Ils se sont repentis, sont devenus des croyants et ils sont parmi les meilleurs musulmans au monde aujourd'hui. Alors comment tu peux toi dire, ah, ça c'est des gens, ça y est, c'est fini. Même des koufars, Allah, il peut faire en sorte que Allah peut faire en sorte qu'ils se repentent, qu'ils deviennent musulmans, qu'ils commencent à adorer Allah et qu'ils cherchent la science. Peut-être qu'ils deviendront même des meilleurs musulmans que toi. Toi, aujourd'hui, tu les vois dans le coffre, tu les vois dans le shirk, tu les vois dans la mécréance et l'égarement, et tu les vois perdus. Tu dis, ah, ces gens-là, ça y est, c'est fini pour eux. Tu ne sais pas ce que Allah peut faire avec leur cœur, ce que Allah peut faire comme guidance dans leur cœur. Combien de gens dans les prisons sont devenus des bons musulmans et c'étaient des criminels, des grands brigands, des voyous. Hein? Et ils sont devenus des bons croyants, des bons musulmans qui craignent Allah et qui sont plus fermes dans la vérité que toi aujourd'hui. Hein? Écoute-moi, les koufars, les juifs, les chrétiens, les athées et ces gens-là, hein? Tu dis de façon générale, s'ils font du tort aux musulmans, tu peux faire des invocations contre eux, il n'y a pas de mal. Hein? Mais aussi, tu peux demander à Allah de les guider. Et si Allah les guide, c'est aussi un bien pour les musulmans. Ça, il n'y a pas de doute. Mais dans des situations comme ça, le prophète, même à son époque, il a fait des du'as même contre des du'as de qunut pendant la prière contre des têtes des mushrikins et des kuffas. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé « Laysa laka min al-amri shay » ou yatouba alayhim ou yu'adhibahum. Hein? C'est-à-dire, tu n'as rien, rien de cette affaire-là ne revient à toi. Que Allah hein, revienne vers eux et accepte leur repentance ou les châtie. Hein? C'est Allah qui décide, c'est pas toi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa laka min al-amri shay. Ça veut dire, c'est pas toi qui décide. Et la plupart de ces mushrikins, contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des du'as, ils sont devenus des musulmans par la suite. Et même ça, c'est une vérité, ça nous prouve même que ça c'est vrai, parce que beaucoup des ennemis de l'islam, qui étaient parmi les premiers qui ont détesté l'islam et qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens de Quraysh, ils sont devenus parmi les sahaba. Et par la suite, ils ont aidé la cause de l'islam. En commençant par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était connu pour sa dureté, sa fermeté. Hein? Et quand il est devenu musulman, ça a été une force pour les musulmans. Donc, ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Naam. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on a perdu cette notion ou cette vision de vouloir appeler les gens à la guidance, à la repentance, à vouloir les amener au bien. Hein? Au contraire, nous, on est dans une autre... Parfois, certaines personnes, ils sont dans une autre, toujours dans une autre mentalité de vouloir juste repousser les gens. Repousser les gens. Même des gens qui sont dans la bid'a ou qui sont dans toutes sortes d'égarements. C'est comme, au lieu de leur dire, hey, abandonne ta bid'a, laisse cette bid'a, viens à la sunna. Non, c'est juste, toi, t'es un égaré, t'es dans l'égarement, hein, reste dans l'égarement et tais-toi. Oui, il y a c'est comme une certaine dureté, comme tu dis, qui ressemble à celle des Khawarij. On dirait qu'ils veulent plus appeler les gens à l'enfer que vouloir les appeler à la foi et à l'islam et au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila sirat al-mustaqim » Allah, il invite et il appelle à la demeure de la paix. Et il guide qui il veut vers un chemin droit. Mon frère, le dirigeant tout seul, il ne peut rien faire. C'est pas seulement lui qui... Quand tu dis, ben c'est ça, il y a des gens qui sont avec lui. Et c'est pour ça. Mais de toute façon, s'il fait des massacres ou qu'il tue les croyants et des choses de ce genre, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah fasse miséricorde aux croyants, qu'il nous donne la victoire sur ces criminels et pour qu'il châtie ces gens-là selon qu'est-ce qu'ils méritent. C'est tout. Tu vois, mais il ne faut pas oublier ou mettre de côté notre premier rôle qui est d'appeler les gens à la vérité et de clarifier aux gens le bien et de montrer aux gens le chemin vers le paradis. Ça, c'est très, très important. Parce que si tu te concentres juste sur la haine tout le temps, le résultat, ça ne va pas être la guidance. Ça va juste être une augmentation de haine. Parce que la haine amène la haine. Et toi, tu détestes, si tu dis que tu détestes les koufars, mais tu dois les détester pour... Non, pas seulement parce qu'ils font de l'injustice, parce que leur kouf est plus grave que l'injustice qu'ils font. Alors c'est pour ça, nous les musulmans, on doit détester les koufars pour leur mécréance avant tout. Et pour leur shirk et leur kufr, parce que même s'ils tuent 1 million de musulmans, ce n'est pas plus grave que de faire le kufr ou de faire le shirk avec Allah. De faire le shirk avec Allah et de faire le kufr avec Allah, c'est plus grave que de tuer 1 million de musulmans. Parce que s'ils tuent 1 million de musulmans, puis qu'ils font le tawhid, ils croient en Allah, ils se repentent, Allah va le faire rentrer au paradis. Mais s'ils tuent aucun musulman, même s'ils donnent des millions de dollars aux musulmans, mais qu'il fait le shirk, il va aller en enfer pour l'éternité. Donc, toi, tu détestes les koufas, tu dois te rappeler que tu les détestes pour qui, pourquoi. Tu les détestes pour Allah. Et tu les détestes parce qu'ils sont des koufars et des mouchriquines avant tout. L'injustice, ça, c'est un surplus. Si un musulman fait de l'injustice, tu ne vas pas aimer son injustice. Tu vas détester son injustice. Mais tu vas l'aimer parce que c'est un mu'min. Et même s'il est injuste, ça reste un croyant. Tu l'aimes pour Allah, pour sa foi en Allah, mais tu le détestes pour son injustice. Donc, ce n'est pas seulement de regarder la question de la justice ou de l'injustice, mais de regarder, d'aimer et de détester uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très difficile. Aimer pour Allah, beaucoup de musulmans, ils sont capables de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais détester pour Allah, ils ne sont pas capables de comprendre parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de qu'est-ce que c'est le tawhid et la réalité du tawhid. À cause de ça, ils tombent dans l'excès, dans l'extrémisme par rapport à cette question de détester. Ils détestent pour des choses de la dunya. Et c'est ça que les ikhwan, ils font par rapport à la Palestine. Ils disent, nous, on déteste les juifs juste parce qu'ils ont pris notre terre. S'ils nous donnent leur terre, on va les aimer. Hein? Alors que la réalité, pour le croyant, ils ne détestent pas les juifs uniquement parce qu'ils ont pris une terre. Ils détestent avant tout parce qu'ils ont renié la foi en Allah, parce qu'ils ont renié la foi en son messager, parce qu'ils ont renié la foi en Isa, parce qu'ils ont renié la foi en l'Injil, parce qu'ils ont renié la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont renié la foi en le Coran, et qu'ils ont fait le kufr d'Allah. Ça, c'est beaucoup plus grave que de prendre la terre d'un peuple. C'est plus grave. Et ça, beaucoup de gens, ils ne réalisent pas, parce qu'ils n'ont pas la bonne balance. Ils n'ont pas la balance du tawhid. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils passent à côté de ce qui est fondamental dans l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Ensuite, le cheikh, il dit, donc tu dois faire aimer aux gens la repentance. Tu dois faire aimer aux gens de vouloir le paradis, de vouloir de la grâce d'Allah. Et tu ne dois pas jurer que Allah ne va pas pardonner les gens, que Allah ne va pas leur ouvrir le cœur. Et troisièmement, le cheikh dit, ثالثاً, أنه لا يجوز الحلف على الله في منعه جل وعلا من فعل المغفرة والإفضال على عباده. وأما الحلف على الله وعلى أن يفعل الخير وينزله فهذا لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذا في الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا فإذا حلف المسلم على الله بأن يفعل الخير ويغفر لعباده ويرحمهم اعتبر هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل وهذا وليس هذا هو سوء الظن بالله عز وجل وهذا الفرق بين الحالتين وهذا الجمع بين الحديثين حديث والله لا يغفر الله لفلان وحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فالأول أحبط الله عمله والثاني في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. Ça, c'est un point très, très important dans ce hadith. Le cheikh, il explique qu'on a dit, on n'a pas le droit de mentionner ou de jurer sur Allah que, pour empêcher que Allah pardonne à quelqu'un ou qu'il fasse de la grâce à ses serviteurs. Toutefois, de jurer que Allah subhanahu wa ta'ala va faire le bien et qu'il va faire descendre le bien, ça, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un manque de respect envers Allah. Et c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure quand j'ai dit, pourquoi il n'a pas juré que Allah va lui pardonner, que Allah va lui faire miséricorde. Non, au lieu de ça, il jure du mal. Il jure que Allah ne va pas lui pardonner, que Allah va le mettre en enfer ou des choses comme ça. Donc le cheikh, il explique, il dit, si tu jures pour le bien, ça c'est quelque chose qui est bien. Mais si tu jures pour le mal, ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Et il explique pourquoi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, que Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a certains parmi les serviteurs d'Allah, s'ils jurent que Allah va faire quelque chose, Allah va les exaucer. Va les exaucer. Et il explique que ça, c'est des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah qui sont pieux. Quand ils jurent que Allah va faire quelque chose, Allah le fait pour eux, parce que Hein, Allah veut les honorer, ces serviteurs-là. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces serviteurs, qu'ils ont l'espoir en Allah pour le bien. Et qu'ils ont une belle pensée d'Allah. Ils ont une pensée qui est belle d'Allah. Donc, ils disent que Allah va faire du bien. Et ils espèrent du bien. Hein, que Allah va faire venir du bien. Hein? Et donc, si tu jures, ou si le musulman jure, que Allah va faire le bien, que Allah va pardonner à ses serviteurs et qu'il va leur faire miséricorde, ça, ça rentre dans le fait de penser des belles pensées à propos d'Allah et de penser du bien d'Allah et d'espérer du bien d'Allah. Tandis que celui qui fait le contraire, qui dit « Allah ne va pas le pardonner, Allah ne va pas lui faire miséricorde », ça, c'est comme s'il a une mauvaise pensée d'Allah et il pense du mal d'Allah. Hein? Et c'est ça la différence donc entre les deux cas, entre les deux hadiths. Donc ici, on voit que dans le premier hadith, il a juré sur Allah que Allah ne va pas pardonner à un tel. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des serviteurs. S'ils jurent sur Allah, Allah va les exaucer, va faire que ça se réalise. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc le premier, Allah a annulé les actions de qu'est-ce qu'il a de ses actions. Allah les a annulées parce que il a pensé du mal d'Allah. Tandis que le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il l'honore, il l'honore, ou bien il l'honore plutôt, parce que il a pensé du bien d'Allah et il a espéré du bien d'Allah. Donc ça c'est, il y en a la différence entre les deux. Et le dernier point que le cheikh a mentionné, ils ont dit numéro 3, mais c'est le numéro 4, parce que l'autre c'est Rabi'an, c'est Thalithan, donc ici c'est Rabi'an. وفي الحديث خطر الكلام سيء وأنه على المسلم أن يحفظ نفسه من الانزلاق في الكلام السيء في حق الله عز وجل أو في حق العباد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من أن يقول كلمة واحدة فيكتب الله له بها غضبه إلى يوم يلقاه قال أبو هريرة عند هذا الحديث والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه آخرته ففيه خطر اللسان فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام السيء لأنه ربما يقول كلمة وعليكم السلام ورحمة الله فربما يقول كلمة تحبط عمله أو تحبط عمله أو تحبط عمله أي نعم فلا يتساهل الإنسان بالكلام وفي الحديث وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. Donc ici le cheikh il termine l'explication de ce hadith là en disant que dans ce hadith il y a l'explication du danger de la langue. On a déjà mentionné ça dans un autre cours. On a parlé du danger de la langue, خطر الكلام السيء, le danger des mauvaises paroles. Et il dit que le musulman il doit donc préserver sa langue de glisser dans des paroles qui sont mauvaises à propos d'Allah ou à propos des serviteurs d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 70 dans sourate Al-Ahzab, il dit « Oh vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et dites une parole droite, une parole de droiteux, sadidan. » Hein? Il dit le musulman, il doit préserver, donc garder sa langue de dire une parole que Allah va écrire hein, contre lui et par laquelle il va avoir sa colère le jour où il va le rencontrer. Ça, il suffit d'une parole. Hein? Et c'est comme Abu Huraira, il dit à la fin du hadith à propos des deux hommes. Quand l'autre, il a dit, par Allah, Allah ne va jamais te pardonner. Allah, il a dit, hein, rentre en enfer. Hein? Et l'autre, il a dit, rentre au paradis par ma miséricorde. Celui qui faisait les péchés, Allah lui a dit, rentre au paradis par ma miséricorde. Et celui qui faisait beaucoup d'adoration, il lui a dit, rentre en enfer. Pourquoi tu jures sur moi que je ne vais pas pardonner à quelqu'un? Rentre en enfer. Hein? Pour qui tu te prends? Et Abu Huraira, il cite ce hadith-là et à la fin, il dit, cet homme a dit une parole, à cause d'elle, il a perdu sa dunya et son au-delà. Une parole, ça suffit. Hein? C'est tellement grave. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Que Allah nous préserve et préserve notre langue. Donc ici, le cheikh, il explique que ça nous montre le danger de la langue. Et donc, l'être humain, il doit préserver sa langue de dire des paroles mauvaises. Peut-être que tu vas dire une seule parole, ça va annuler toutes tes œuvres. Donc, tu ne dois pas prendre les paroles que tu dis à la légère. Et comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, hein, le hadith rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi et Ibn Majah, selon Mu'adh ibn Jabal, un hadith célèbre, il est dans les 40 hadiths de Nawawi. Il dit, « وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ على وجوههم في النار او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont être jetés dans le feu de l'enfer sur leur visage ou sur leur nez excepté à cause de ce que leurs langues ont récolté, hein? les récoltes de leur langue. Al hasaid, ça veut dire qu'est-ce que t'as récolté. Quand tu fais un champ, tu récoltes. Qu'est-ce qui a poussé dans ton champ? C'est ça que ça veut dire. Donc, ta langue, elle a fait pousser des choses mauvaises. Tu l'as récolté. À cause de ça, tu es jeté dans l'enfer. Dans l'enfer. Soit sur ton visage ou ton nez. Les deux, c'est la même chose. Parce que ton nez, il est dans ton visage de toute façon. Hein? Et l'autre hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Est-ce que ça veut dire que si il dit du mal et il ne se tait pas, il ne va pas être croyant en Allah et au jour dernier? Oui, il va être croyant en Allah et au jour dernier, mais sa foi, elle n'est pas complète. Sa foi, elle n'est pas parfaite. Sa foi, elle est déficiente. Il y a un manque dans sa foi. Mais si il croit réellement en Allah et au jour dernier, il va faire des efforts pour ne dire que du bien, ou bien s'il ne peut pas dire du bien, il va se taire. Tu dis du bien, tu parles. Si tu n'as rien à dire de bien, tais-toi, parle pas. C'est mieux de ne pas parler. Tu n'es pas obligé toujours d'avoir quelque chose à dire. Il y a des gens qui pensent comme ça que s'ils n'ont pas quelque chose d'intéressant à dire tout le temps, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Le silence est d'or. Si tu vas te taire, hein, et que tu ne vas pas dire quelque chose, ça, c'est peut-être mieux pour toi. Parce que ça t'évite de ramasser des péchés. Donc, calcule tes mots quand tu parles. Calcule tes mots. Tu n'as pas besoin d'en dire plus que qu'est-ce que tu as besoin pour dire qu'est-ce qui est bien, ou pour dire la vérité, ou pour dire des choses de bien. Si ce n'est pas ça, alors tais-toi. Et si tu veux absolument parler, fais le rappel d'Allah. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il y a des gens, leur langue, elle ne peut pas s'arrêter. Mais si ta langue ne peut pas s'arrêter, au moins dis des bonnes choses. Dis des choses qui vont te rapprocher du paradis, qui vont te rapprocher de l'au-delà, dans le bien. Alors dis ça. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu dis des adhkar, tu dis des paroles de glorification d'Allah. Ça, c'est des choses de bien. Si tu veux dire la vérité, tu défends la vérité, tu veux appeler à la vérité, tu veux mentionner des versets, tu veux mentionner des hadiths, tu veux mentionner des paroles des ulama, tu veux mentionner des paroles qui te rapprochent d'Allah et du paradis. Vas-y, parle. Tu veux te taire de dire la vérité, ça, c'est pas correct. Hein? Il y a des gens qui veulent toujours se taire, ils veulent jamais parler. Et ils pensent que parce qu'ils ne parlent jamais, ça veut dire qu'ils ont raison ou qu'ils sont dans le bien. Il y a des gens qui ne parlent jamais, mais c'est des comme les ulama disent, « Shaitanun akhras ». C'est des diables muets. Mais c'est des diables quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendent pas la vérité avec leur bouche alors qu'ils sont capables. Ils ne disent pas la vérité quand c'est le temps de parler. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que celui qui parle pas, qui parle trop. Celui qui parle trop et qui dit des faussetés, il est dans l'égarement. Celui qui parle jamais et qui ne défend pas la vérité, qui ne dit pas la vérité quand c'est le temps, il est aussi dans l'égarement. Mais c'est le juste milieu. C'est l'équilibre. Pas d'être dans un extrême et pas être dans l'autre. Hein? De savoir quand parler, de savoir quand pas parler. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça dit? Si la parole est de... répète. Iza kan al kalam min fiddatin. Donc si la parole est d'argent, eh bien le silence est d'or. Ça c'est un proverbe en arabe. Et il y a un autre proverbe dans un poème qui dit lisan al fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam tabqa illa surat al lahm wa al dami wa ka in tara min samit lak mu'jib ziyadatuhu aw naqsuhu fi al takallum. C'est-à-dire la langue d'une personne, c'est la moitié de lui. Et l'autre moitié, l'autre moitié, c'est son cœur. Et qu'est-ce qui reste? C'est juste l'image extérieure de sa chair et de son apparence. Mais peut-être que tu vois une personne qui ne parle pas et qui t'éblouit par sa prestance, par son apparence. Elle t'éblouit parce qu'elle a une belle apparence et qu'elle a l'air d'une personne sage. Mais elle va s'élever ou descendre selon qu'est-ce qu'elle va parler. Hein? C'est comme l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah. Quand un homme est rentré dans la mosquée, il ne le connaissait pas. Il a l'air d'un grand alim. Et l'imam Malik, il ne connaît pas peut-être tous les ulamas parce qu'il est resté à Médine. Il y a d'autres ulamas dans d'autres villes qui viennent le visiter. Alors quand il l'a vu arriver dans le majlis, il a plié ses jambes et il s'est assis d'une façon. Alors, quand il a fini son dars, l'homme, il a posé une question. Alors, l'imam Malik, il a étendu ses jambes. Il a compris que cet homme-là, il est rien. Parce que la question qu'il a posée, il a vu que c'est quelqu'un qui est stupide, qui n'a pas de science. Alors, il a compris que ce n'est pas parmi quelqu'un des ulama. Alors, il s'est permis d'étendre ses jambes comme ça. Hein? Tout ça pour dire, Yanni, ta langue, elle peut t'amener dans les plus hauteurs, les plus élevés du paradis, mais aussi elle peut te faire descendre dans les profondeurs de l'enfer. Fais attention à ta langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ses deux jambes, je lui garantis le paradis. C'est quoi? C'est entre ses deux mâchoires, c'est sa langue. Et entre ses deux jambes, c'est ses parties intimes. S'il arrive à préserver ces deux choses, il est garanti le paradis. Ça, c'est important. Ça, c'est grand. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion. Qu'est-ce qu'il voulait dire quelque chose? C'est toi qui as commencé à parler. Donc, c'est-à-dire, si le mensonge... c'est un argument ou une preuve, eh bien, dans ce cas-là, la vérité, c'est ce qui sauve. Oui, parce que c'est sûr que le mensonge, ce ne sera jamais une hujja de toute façon. Hein? Le mensonge, ça ne peut jamais être un argument. Donc, si tu veux être sauvé, c'est la seule chose, c'est de rester véridique. Et rester véridique, c'est une des choses, parfois, ça peut être parmi les plus difficiles. Selon le degré de la personne, selon sa responsabilité, selon sa situation, selon son niveau, selon les circonstances de la vie, dans certaines situations, c'est beaucoup plus facile à quelqu'un de mentir que de dire la vérité. Mais c'est ça ce qui fait la différence entre les gens du vrai et les gens du faux, et les gens véridiques et les gens du mensonge. De mentir, c'est facile. Des fois, les gens, ils mentent pour pouvoir se sauver de certaines situations, et ils mentent pour... parfois préserver certaines de leurs avantages ou de leurs privilèges, mais dire la vérité, hein, même quand c'est contre toi, ça c'est très très très très difficile. Mais c'est ça que Allah, il nous demande, d'être sincère, d'être véridique dans toutes les circonstances. Que Allah nous aide et que Allah nous guide. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad